إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، serviteurs d'Allah, nous allons entrer ce soir dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Ces 10 dernières nuits qui sont les meilleures nuits de ce mois et même les meilleures nuits de l'année. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam y particularisait ces nuits par de nobles œuvres. Et ce, car c'est par ces nuits que tu vas concrétiser et concluer les œuvres de ton mois. De plus, durant ces nuits, Allah subhanahu wa ta'ala affranchit un grand nombre de ses serviteurs du feu. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous affranchir du feu de l'enfer. Également durant ces nuits, on recherche la nuit du destin, Laylat al-Qadr, car ce sont les nuits les plus propices à ce que se trouve en celle-ci, la nuit du destin. Et on parlera de la nuit du destin plus en détail dans l'assise de demain, incha'Allah ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, comme il est rapporté dans un hadith authentique, lorsque venaient les 10 dernières nuits, il redoublait d'efforts, il serrait son pagne, il veillait la nuit et il réveillait sa famille. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant ces nuits, il priait de longues prières, durant lesquelles il prolongeait la station debout, il prolongeait le temps de l'inclinaison et il prolongeait le temps de la prosternation. Il veillait donc la nuit dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et en grande partie dans la prière de nuit. Il convient donc aux musulmans de prendre exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de veiller ses nuits en prière, de veiller ses nuits dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, de veiller ses nuits dans la lecture du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, de veiller ses nuits dans le dhikr, dans l'invocation et l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne pas faire comme font grand nombre de musulmans à notre époque qui passent ses nuits dans des discussions futiles et inutiles, qui passent ses nuits dans l'amusement et les rigolades ou dans d'autres passe-temps futiles comme le font une grande partie de personnes aujourd'hui. En effet, la plupart des gens à notre époque, ils veillent durant les nuits de Ramadan. Mais est-ce qu'ils veillent dans des choses utiles? Est-ce qu'ils veillent dans des choses qui leur sont profitables? La réponse est non. Ils veillent pour des choses qui ne leur sont utiles ni pour leur religion, ni pour leur vie mondaine. Car ils veillent dans des discussions inutiles, dans l'amusement, dans l'insouciance. Donc, si cela continue à la fin de leur mois et clôture ces nuits de Ramadan par ce par quoi ils ont commencé comme futilité, comme insouciance et comme perte de temps, il n'y a pas de doute que ceci est une perte évidente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passait ses nuits dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et redoublait d'efforts durant ces 10 dernières nuits. Et parmi les choses par lesquelles il spécifiait ces nuits-là, il y a le fait qu'il réveillait sa famille, comme il est venu dans le hadith. Il réveillait les gens de sa famille, sallallahu alayhi wa sallam. Il convient donc aux musulmans de prendre exemple sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur cela également. Et que tu réveilles ta famille pour la prière et pour l'adoration. Les petits et les grands, tout le monde doit participer à l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala, durant ces nuits. Tout le monde doit profiter de la bénédiction de ces nuits immenses auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et redoubler d'efforts dans l'adoration. Tu réveilles donc ta famille, tu réveilles tes enfants, garçons et filles, afin qu'ils prient, afin qu'ils participent à l'adoration, afin qu'ils profitent de ces récompenses et ces rétributions immenses de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois pas te contenter de réserver ces nuits-là à ta propre personne. Et tu pries, tu évoques Allah, mais tu ne t'occupes pas de ceux qui sont sous ta responsabilité. Non. Ceci est une erreur. Tu dois les encourager à la prière. Tu dois les encourager à participer à l'adoration avec les musulmans. Tu dois les encourager à remplir les mosquées, à prier la nuit, à réciter le Coran et autres parmi les choses légiférées durant ces nuits. Le musulman, il ne doit pas restreindre le bien à sa propre personne, mais il doit profiter aux gens qui sont autour de lui. Et les gens qui sont prioritaires, et les premiers gens à qui tu dois être utile, et pour qui tu dois faire le rappel, ce sont ceux qui sont sous ta responsabilité, parmi tes épouses, tes enfants, tes frères et sœurs, et les membres de ta famille. Contrairement à ce que font beaucoup de gens aujourd'hui, qui négligent leurs enfants, garçons et filles, qui négligent leur famille, qui négligent leurs épouses, qui négligent leurs frères et sœurs, et qui ne leur accordent aucune attention. Tu vois le père se rendre à la mosquée pour prier et ses enfants sont dans les rues en train de jouer. Il ne sait pas ce qu'ils font. Il ne sait pas à quoi ils passent leur temps. Leurs épouses sont dans les marchés et dans les centres commerciaux en train de préparer les achats pour le jour du Eid. Ou d'autres choses qui ne sont pas les priorités de ces nuits-là. Ces nuits, elles doivent être consacrées à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman, il lui est donc obligatoire de prendre soin de ses enfants, garçons et filles, durant le mois de Ramadan, et encore plus durant ces 10 dernières nuits, mais également tout au long de l'année. Mais ce que tu dois savoir, c'est que cette occasion de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de faire le bien, de multiplier les adorations, elle ne doit pas t'échapper durant ce mois. Et si tu as été négligent jusqu'à maintenant, alors c'est le moment de te reprendre. C'est le moment d'oublier la paresse, d'oublier l'insouciance, d'oublier les jeux, les futilités et autres distractions et de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ces 10 jours bénis. Tu dois profiter de ce grand bien qu'il y a en ces nuits. Tu dois profiter de ces bénédictions qu'il y a en ces nuits et te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'adoration. Et tu dois encourager tes proches, ta femme, tes enfants, tes frères et tes sœurs et les gens qui sont autour de toi à en faire de même et vous entraider dans le bien et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est une occasion que tu ne dois pas laisser s'échapper. Si tu perds l'occasion de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ce mois et durant ces 10 nuits bénites, il se peut qu'alors tu t'habitues à la paresse et à la négligence et que tu négliges l'ensemble des temps méritoires et des moments bénéfiques et propices à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu ne donnes pas d'importance à ces 10 nuits et que tu ne fais pas d'efforts dans l'adoration durant celles-ci, mais que tu les passes dans l'insouciance et la distraction, alors quand vas-tu te consacrer à Allah? Quand vas-tu revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala? Quand vas-tu te repentir de tes mauvaises œuvres? Quand vas-tu remplir ta balance de bonnes actions si ce n'est pas durant ces 10 dernières nuits? C'est le moment du réveil. C'est le moment de te rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, de délaisser les distractions, de délaisser les futilités, de délaisser les discussions inutiles, de délaisser Internet, de délaisser les réseaux sociaux, de délaisser ton téléphone et toute autre futilité. Mais tu dois te consacrer durant ces nuits à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car si tu ne fais pas cela durant ces nuits, quand vas-tu le faire? Quand vas-tu te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quand vas-tu remplir ta balance de bonnes œuvres si tu ne les fais pas durant ces 10 nuits qui sont devant toi? Il n'y a pas de doute que celui qui néglige un temps aussi béni que celui-ci, alors il va perdre son temps tout au long de l'année. Donc, le musulman, il ne doit pas négliger sa personne. Il ne doit pas laisser perdre cette occasion. Il ne doit pas la laisser s'échapper. Et également, il doit en faire profiter les gens qui sont sous sa responsabilité, parmi les épouses et les enfants. Et tu dois savoir que si tu éduques tes enfants et que tu éduques tes proches à la négligence et la paresse, alors ils vont grandir sur cela. Et ils seront comme cela lorsqu'ils seront grands. Les temps méritoires passeront et ils n'y donneront aucune importance. Et leur vie ne sera que paresse, insouciance et négligence. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. En effet, celui qui n'est pas éduqué sur le bien, celui qui ne reçoit pas une éducation pieuse, une éducation dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il va grandir sur cela. Il va grandir sur cela car la négligence a un impact énorme sur les enfants, les épouses et les proches. Donc, mon frère, ma sœur, il est temps de se réveiller, de se reprendre en main et de profiter de ces 10 nuits pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut donner une grande importance à cela, car ces nuits sont bénites, ces nuits sont des nuits immenses, durant lesquelles se trouve une nuit meilleure que 1000 mois. Et ici, on met en garde contre certains messages qui circulent sur Internet, sur les réseaux sociaux et autres durant ces 10 dernières nuits. Des messages de personnes qui encouragent à faire des efforts minimes, à dire « chaque nuit, accomplis 2 unités, fais une aumône d'1 euro, lis une page du Coran et ce sera comme si tu avais fait 2 unités meilleures que 1000 mois, une aumône meilleure que 1000 mois et ainsi de suite ». Les gens pensent qu'ils encouragent au bien, mais en réalité, ils n'encouragent pas au bien, mais au contraire, ils encouragent à minimiser les actes. Comment accomplir 2 unités? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il passait la majorité de sa nuit en la prière durant les 10 dernières nuits. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il veillait toute sa nuit dans l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il faut donc prendre garde à ces messages par lesquels il se peut que la personne ait voulu le bien, mais en réalité, elle encourage à la négligence et au mépris de ces 10 dernières nuits. Il faut donc prendre garde à cela. Également, parmi les choses par lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam particularisait ces 10 dernières nuits, il y a l'irtikaf, la retraite pieuse dans la mosquée. L'irtikaf donc, il consiste à rester dans la mosquée de jour comme de nuit et à y passer ces 10 jours-là, les 10 derniers jours du mois de Ramadan jusqu'à l'annonce du Eid et n'en sortir que pour un cas de force majeure et d'y revenir immédiatement. Donc la personne qui accomplit l'irtikaf, elle passe l'ensemble de son temps dans la mosquée, jour et nuit. Elle se sépare des gens et elle consacre son temps à l'adoration, comme le faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait l'irtikaf, il se séparait des gens dans un endroit isolé de la mosquée pour se consacrer à l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre modèle à suivre. Il convient donc aux musulmans de profiter de ces jours pour s'isoler dans les mosquées et se consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun selon ses capacités. Celui qui a la possibilité de faire l'irtikaf entièrement, alors c'est un grand bien. Mais celui qui ne peut pas, alors qu'il participe selon ses capacités. En restant autant qu'il peut dans les mosquées, en s'asseyant dans la mosquée pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, pour lire le livre d'Allah, pour faire des invocations, pour profiter de ces temps bénis, pour profiter de ces jours pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et te consacrer à l'adoration. Tu t'assois donc dans la mosquée pour lire le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour invoquer Allah, pour faire revivre ton cœur durant ces 10 dernières nuits. Car la mosquée, c'est une des maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est le refuge des anges. Dans celle-ci descend la miséricorde, dans celle-ci tu trouves la quiétude, le repos du cœur et tu te consacres à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala avec humilité. Il convient donc aux musulmans, durant ces nuits, de profiter de son temps dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas être négligent. Si tu as été négligent durant les 20 jours passés, alors sache qu'il est encore temps pour toi de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, de te repentir pour ton insouciance et ta négligence passée et profiter de ces nuits pour redoubler d'efforts dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu as été bienfaisant jusqu'à maintenant, alors ne pense pas que tu as atteint la finalité. Mais ces 10 dernières nuits sont devant toi pour que tu redoubles encore plus d'efforts. Si tu as fait le bien jusqu'à maintenant, alors tu dois encore plus faire d'efforts durant ces 10 dernières nuits et clôturer ton mois dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois prendre garde durant ces 10 dernières nuits à ne pas être de ceux qui négligent ces temps méritoires, qui ne participent pas au bien durant ces 10 dernières nuits. Tu dois faire des efforts pour multiplier les œuvres pieuses autant que possible et ne pas être de ceux qui ont oublié leur personne. Car en effet, celui qui est négligent et insouciant vis-à-vis de ses temps méritoires et qui ne remplit pas son temps par les œuvres pieuses et les bonnes actions, alors il a certes oublié sa personne. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ » Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Alors Allah leur a fait oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. On demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous préserver. Donc, serviteur d'Allah, il est temps, dès ce soir, qui est la 21e nuit du mois de Ramadan, la première des 10 dernières nuits, et la première nuit impaire, qui est une des nuits propices à trouver la nuit du destin, à multiplier les œuvres de bien. Et parmi les choses que mentionnent certains savants durant ces 10 dernières nuits et qui sont légiférés durant celles-ci, le fait de se purifier et de mettre ses plus beaux vêtements durant ces nuits pour accomplir la prière. Il est donc recommandé durant ces nuits de se purifier, de se parfumer et de mettre ses beaux vêtements de la même manière que cela est légiféré pour la prière du vendredi ou pour la prière des deux fêtes. Et de même que cela est légiféré pour l'ensemble des prières, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre « Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid » « Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de prière, c'est-à-dire pour chaque prière, portez vos beaux vêtements. » Et Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhum a dit « Allah est plus en droit que l'on s'embellisse pour lui. » Cependant, je tiens à attirer votre attention sur une parole de l'éminent Cheikh Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qasim rahimahullahu ta'ala qui a dit « Cependant, l'embellissement apparent ne peut se concrétiser sans l'embellissement intérieur par le retour vers Allah, le repentir à Allah et la purification de l'impureté des péchés et de leurs souillures. En effet, l'embellissement apparent d'un intérieur en ruine ne profite en rien. Le musulman, il doit donc purifier son cœur des péchés, purifier son cœur des mauvaises actions, purifier son cœur de l'impureté du shirk majeur et mineur, s'éloigner de l'ostentation, s'éloigner de l'ensemble des péchés, s'éloigner de l'ensemble des innovations et purifier son cœur en revenant et en se repentant à Allah subhanahu wa ta'ala. Car comme il a dit, l'embellissement apparent d'un intérieur en ruine ne profite en rien. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de purifier nos cœurs de toute forme de polythéisme, de toute innovation et de tout péché. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la multiplication des œuvres pieuses durant ces 10 dernières nuits bénites du mois de Ramadan. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.